on va parler de pêche ce samedi matin avec notre ami Claude Roy. Salut Claude. Bonjour, bon matin. Tu veux parler de conservation de poissons ce matin. Oui, c'est que à l'heure actuelle, les températures sont chaudes à venir jusqu'à date. Ouais. On le voit au niveau des agriculteurs, tout le monde se plaint des chaleurs, puis des récoltes hâtives. Donc, c'est pareil dans le domaine de la pêche. C'est dans le domaine de la pêche, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que là, avec la belle température, il y a de plus en plus de monde dans le bois, puis là, les gens vont commencer, et ils vont garder une mauvaise habitude de vouloir garder leur poisson dans l'eau afin de le conserver. Okay. Mais l'eau de surface est rendue trop chaude, je l'ai déjà mentionné à une reprise, l'utilisation des chaînes à poissons, des paniers à poissons, de garder des chaudières d'eau dans le bateau puis mettre le poisson dedans, c'est pas une bonne idée. Et ça devrait être proscrit parce que vous allez perdre votre poisson. Okay. Du poisson, l'eau de la surface est rendue au-delà de 72 degrés dans plusieurs plans d'eau. Donc, le poisson va chauffer toute la journée. Bien que vous pensiez que l'eau protège pas, surtout dans une chaloupe, où on a une eau stagnante qui se réchauffe avec le soleil, l'eau va monter à 80-85 degrés dans votre chaudière, puis vous faites pourrir le poisson. Okay. Le seul moyen de conserver du poisson à partir de ce moment-ci, là, pour le reste de l'été, c'est de vous faire geler des bouteilles d'eau et de vous apporter une petite glacière. Mettez vos breuvages préférés à l'intérieur. Jetez-vous des bouteilles d'eau si vous ne voulez pas acheter de la glace au dépanneur. Mais gardez votre poisson au frais. Gardez-vous quelques journaux avec pour mettre par-dessus la glacière. Le papier journal va conserver énormément le froid. Donc, c'est bien important quand vous sortez votre poisson de l'eau ou vous le mettez dans votre panier directement en dessus d'un banc de bateau à l'ombre, soit avec de la gazette humide ou encore de la mousse que vous allez retrouver en bordure de lac. Mais vous gardez votre poisson au frais le plus possible. Gardez-les pas dans l'eau. Laissez-les pas attachés par une chaîne de poisson, mettez-les pas d'un panier à poisson en pensant qu'il va survivre. Une truite mouchetée ne survivra pas, elle va flotter à surface et le soleil qui reflète sur l'eau va faire chauffer votre poisson. Donc, que ce soit du doré, de la wallaniche, que ce soit de la truite mouchetée, c'est la même chose pour tous les poissons. On conserve ça dans un endroit frais ou froid avec des bouteilles d'eau glacée ou encore les breuvages préférés qu'on a mis au frigidaire puis qu'ils vont rafraîchir la glacière. Mais de grâce, ne mettez pas ça après une chaîne de poisson. Enlevez cette idée-là de votre esprit. C'est peut-être bon au printemps, puis encore, moi, j'aime pas ça laisser traîner du poisson dans l'eau, mais conservez votre poisson dans la glace. Ça, c'est principal. Sinon, vous avez l'impression que vous avez d'avoir mis votre poisson sur le comptoir de cuisine toute la journée. Vous allez le manger, puis il va déjà être pourri, il sera plus bon. Donc, ne conservez jamais de poisson dans l'eau ou avec de l'eau. OK. Ça fait le tour. Est-ce que c'est bon cette semaine à la pêche ou... Oui, ben écoute, les résultats sont quand même bons, mais là, ça commence à être plus chaud. La truite a pris un peu plus de profondeur. OK. OK. On s'en parle. Bonne pêche aujourd'hui. Je sais que tu vas à pêche, Claude. Merci infiniment, les amis. À la semaine prochaine. C'est la chronique de Claude.